qui se situe à Monteux. Où est-elle exactement, Laure ? Eh bien, elle est située à côté de la Denove. Pour la situer, pour y aller, il faut passer devant le camping municipal et faire à peu près un petit kilomètre, un peu dans les terres. Et bah, il y a les panneaux, Lousteau Safrane, et on est ravis d'accueillir qui veut bien venir nous voir. Voilà, alors dites-nous un peu ce que vous faites dans cette ferme. Alors, au point de départ, ça fait depuis 4 ans que nous sommes là. Nous sommes dans un premier temps éleveurs d'ânes, producteurs de safran. Donc les ânes parce que c'est l'amour des animaux et ensuite parce qu'elles nous permettent d'avoir du lait. Et ce lait a une super vertu qu'on utilise dans des savons fabriqués de manière bien particulière dont je pourrais vous parler tout à l'heure. Et également des produits cosmétiques que nous élaborons avec de fortes proportions en lait d'ânes. Ensuite, bah, le safran pour son côté gustatif, culinaire, recette, mais également le safran dans une formule avec le lait d'ânes pour également des propriétés bien particulières. Que vous dire d'autre ? Je crois que j'ai résumé pour le début de notre activité. Et puis, depuis quelques mois maintenant, parce qu'on aime les animaux, on augmente au niveau des d'autres animaux un petit peu insolites. Alors, petite chèvre naine, mouton, alpaga et une petite vache. Alors, ça n'est pas une vache naine, mais elle est petite. Elle restera relativement petite. Elle sera à peu près à 90, 1 mètre au garrot. Je connaissais mais pas. Mais c'est une petite vache Dexter. Donc c'est la race Dexter, c'est une race qui vient d'Irlande. Donc elle a tout d'un petit taureau. Alors c'est une vache, elle est adorable, mais on peut pas la coucouner comme les ânes, ça c'est sûr. Parce que les ânes, ça se coucoune ? Ah oui, les ânes, ça se coucoune, ça se touche, ça se. On leur parle comme ânes. C'est nos filles, tout simplement, c'est nos filles. Et je crois qu'ils vous suivent, hein. Et nos ânes nous suivent comme si on était les parents. Ah oui. Alors, il est vrai qu'on a un principe pour traire les ânes. Habituellement, on attache l'ânes et on la traie. Nous, notre principe, c'est de ne pas les attacher, de ne pas les entraver. Mon compagnon met la tête de l'ânes sur son épaule. Moi, je me mets à quatre pattes parce que, voilà, hein, il n'y a pas d'appareil pour traire. Et lui, il lui raconte des petites histoires, il lui fait des petits câlins. Et je traie l'ânesse, parce qu'une ânesse, si elle ne veut pas vous donner du lait, j'allais vous dire. Elle ne vous en donnera pas. Ouais, c'est elle qui décide. C'est elle, si vous avez le côté coucouné. Ouais, ouais. On va faire une petite pause et après on continuera avec les savons, comment vous êtes arrivé là, etc. Pas de soucis, à tout à l'heure. The only one that sets me free. Baby, I just wanna let you know that you're the only one I see. So why are we waiting? My heart is inflating. I wanna feel your jealousy. So why are we waiting? The sunrise is coming. I love it when you fly with me. Oh, come and fly with me. Baby, your eyes inspire me, and I just can't believe you're here with me. And baby, I think that you should know that to my heart you have the key. So why are we waiting? This love we're creating, I wanna hear your melody. So why are we waiting? This love's escalating. Just take a breath and set me free. Oh, come and fly with me. Fall, make me fly. Oh baby, can't you see how much this means to me? Through the night, to the sky. Made me smile, made me cry. Let's leave this gravity. Just come and fly with me. Nous voilà revenus sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac-à-Idée et avec Laure qui nous parle de ses ânes. On était aux activités. Voilà. Aux activités qu'elle avait au sein des ânes. Voilà, alors vous en avez combien d'ânes, vous m'avez dit ? Alors, on a commencé avec deux ânesses. Hein, et maintenant, nous en sommes à 14 et bientôt 16, puisque dans quelques semaines, voire quelques jours, parce qu'en ce moment, on fait toutes les nuits. Oui, je pense qu'il y a des naissances. Il y a des naissances à venir de deux petits ânes, alors femelles ou pas. Hein. Ça, c'est la surprise. C'est la surprise. Là, on en a eu deux petits mâles. Et ben, on fait avec, on est content parce qu'ils sont tout mignons. Et oui, parce qu'il y a un site, et c'est vrai que sur ce site, à un moment donné, ils avaient annoncé la naissance, vous croyez que c'était une petite dame qui était arrivée, puis c'était un monsieur. Oui, exactement, parce que bah, c'était la première fois qu'on avait des naissances, et puis bah, moi, je n'ai pas trop bien regardé, et en plus, il est né, il était minuit et demi, donc à minuit et demi, on n'avait pas trop les yeux devant l'un. Voilà. Les yeux, on passe des trous. Et le lendemain, j'ai dit, mais finalement, ce n'est pas un petit garçon, c'est une petite fille, puis en regardant bien, et bah, on s'est résolu à dire, bah, si, c'est un petit garçon, un petit Calinou. Voilà, donc avec ces Solidades, vous faites des savons. Parce que votre formation, je crois, vous étiez pharmacienne, donc ça vous a servi. Alors, moi, je suis pharmacienne de profession. Moi, je m'occupe de la partie cosmétique, crème, lait corporel. Et par contre, mon mari, Pascal, lui, a suivi des formations de savonnerie. Savonnerie en saponification à froid. Et c'est lui qui réalise les savons. On crée ensemble les formules, mais c'est lui qui est à l'œuvre en fait. Alors je l'aide de temps en temps, mais bon, on peut pas être de partout. Et donc saponification à froid, c'est une méthode bien particulière, c'est-à-dire qu'on travaille à basse température, 35-37 degrés, et on introduit, donc on part des huiles, alors non pas des paillettes, mais des huiles, donc l'huile de coco, l'huile de ricin, le beurre de karité, l'huile d'olive que nous mettons et que nous produisons sur la propriété, de la cire d'abeille pour la dureté du savon. Il faut de la soude caustique, c'est la soude caustique en réactivité avec les huiles qui va former cette pâte à savon. Et dans cette pâte à savon, au moment où elle commence à devenir un petit peu épaisse, sans trop, juste comme il faut, ça c'est l'œil du professionnel qui le sait, on y introduit à ce moment-là du lait d'ânesse, donc du lait d'ânesse frais, puisqu'on a nos ânesses et qu'on traite au quotidien. Et on utilise des fortes proportions en lait d'ânesse, donc entre 20 et 30%. Donc 20% pour des savons qui vont être parfumés avec des huiles essentielles, parce que vous avez des gens qui aiment qu'un savon sente. Et puis vous avez des savons qui sont dosés à 30%, mais eux sans aucun additif d'huile essentielle, les plus naturelles possibles, pour... Alors, le plaisir des gens, mais également des peaux dites atopiques ou des peaux avec de l'eczéma ou des peaux avec du psoriasis. Et également, chez les jeunes qui ont de l'acné, ça fonctionne aussi. Ah, vous devez avoir des débouchés, là. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce que le lait d'ânesse a la propriété que tout le monde connaît, hydratant, par Cléopâtre. Alors, anti-rides, je souris, parce que ma foi, ça ne faut pas rêver. Non, je ne crois pas là-dessus. Non, hein, j'ai essayé, j'ai les rides, hein, qui arrive hein, malgré tout. Ça va. Bon, alors ça marche. Et ensuite, vous avez la propriété importante, à savoir le côté anti-inflammatoire du lait d'ânesse et le côté antibactérien. Et donc, ces deux propriétés, en savon ou en crème, permettent d'agir sur ces types de peau. Et par quelle filière vous vendez vos savons ? Est-ce qu'il faut aller chez vous ? Est-ce que vous vendez sur Internet ? Est-ce que vous allez sur les marchés ? Alors, on a un site Internet. On n'est pas très, très doué en Internet. internet, mais on y arrive petit à petit. Alors, on vend essentiellement à la maison. On fait de nombreux marchés. Alors, sur les périodes estivales, on fait les marchés à thème, la fête de la cerise, la fête de la figue, la fête du melon à Perne. La foire d'automne à Monteux, vous la faites ? On ne l'a jamais faite. On va la faire cette année parce qu'on nous a demandé d'y être. Les fêtes médiévales, parce qu'on adore aussi se costumer. Vous êtes allé à Perne ? On est allé à Perne, on était à Velleron. On va régulièrement à celle de Châteauneuf-du-Pape, parce que nous, on se costume. Donc voilà, on aime ça. C'est tellement sympa. On va se faire une petite pause et après, on reprend sur toutes vos manifestations. Allez, c'est parti. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Avec Lousteau de Safran de Monteux, nous étions en train de parler du lait d'ânesse, c'est une production que vous faites et que vous vendez. Et aussi, en parallèle, vous avez le safran. Alors, on est producteur de safran. Alors, on a quelques pieds de safran à Monteux pour montrer aux visiteurs ce que c'est que le safran, ce que c'est que la plante. C'est un crocus, c'est de la famille du crocus, crocus sativus, donc de couleur violette. Maintenant, il y en a qui sont blancs. Mais la grosse production est sur Malemort-du-Comtat, sur les terres que mes parents ont mis à notre disposition. Et là, on a planté un demi-hectare de safran. Alors, le safran se récolte au mois de octobre, novembre, décembre, sur une période de... Alors, tous les jours, hein, bien entendu. Donc, tous les jours, on ramasse, tous les jours, on émonde, et tous les jours, il faut sécher dans la même journée. Ce qui fait un peu le côté... c'est pas difficile, mais c'est du boulot, c'est astreignant. Puis alors, bonjour les reins après. Mais bon, ça, hein, quand on aime, on compte pas. Après toute l'année, y a un entretien qui est nécessaire. Cet entretien, c'est souvent mon papa, et on va dire 100% du temps, qui lui s'occupe pour éviter que les safranières soient envahies, pour éviter qu'il y ait des campagnols, des mulots, des nuisibles qui viennent manger nos petits bulbes. Et puis voilà. Alors le safran, nous, on le commercialise dans notre ferme. On a décidé de ne pas le vendre à des prix où on parle de l'or rouge. Alors je crois qu'il faut arriver à démystifier ce problème-là, parce que si on veut arriver à le faire connaître et à le faire essayer, je crois qu'il faut arrêter, pour nous, on estime, de le présenter dans des jolis petits écrins qui coûtent une petite fortune. Plus c'est petit, plus ça coûte. Donc nous, finalement, on le commercialise avec des explications, avec éventuellement des recettes, et on est à 15 euros le gramme dans une petite pochette en papier. Oui, j'allais vous demander sous quelle forme. Tout simplement. Et à la personne qui achète, de le remettre dans un flacon quand elle arrive à la maison, elle le ferme hermétiquement, elle le met dans son placard à épices, et là, elle peut garder cette épice durant 4-5 ans sans aucun problème. Disons que vous les vendez en vrac. Exactement. Voilà. On le vend en vrac et on a bien diminué le prix, et je crois que ça convient et à nous et aux consommateurs. Je crois que c'est bon à savoir. Voilà. Donc comment on fait pour vous joindre si on veut Alors, on a le téléphone, donc j'ai mon téléphone parce que je ne connais plus celui de mon mari. Donc c'est le 06 71 45 02 21. Vous avez la page Facebook ? On a la page Facebook qu'on essaye d'animer le plus possible. On peut venir directement à la ferme, même sans forcément nous prévenir systématiquement. D'accord, on peut venir comme ça. Et ce safran, qui a cette particularité culinaire, a également une particularité dermatologique, et ça, elle est peu connue. Et il faut savoir que le safran a un côté anti-inflammatoire. Donc on s'est dit, après tout, les danes anti-inflammatoires, safran anti-inflammatoire, pourquoi ne pas créer un savon avec l'association des deux, ce que l'on a fait, ce que l'on a déposé. Donc on est les seuls à avoir cette formule. Et pour nous, mon métier aidant, c'est notre petite cortisone à nous. Donc naturel, mais qu'on utilise un peu comme de la cortisone. On a l'eczéma, on a le psoriasis, on est en poussée, on a de la démangeaison, de la rougeur. On utilise ce savon. La peau redevient saine, on l'arrête et on repart sur son traitement habituel, enfin son soin quotidien, soit on fait un relais avec le savon au lait d'ânes, toujours dosé à 30%. Il ne faut pas mélanger les deux. Il n'y a pas d'intérêt. Il vaut mieux faire la cure de entre guillemets de confort et de soins tant qu'il y a le problème est parti, on l'arrête, principe de la cortisone, et on repart sur quelque chose de doux pour éviter l'accoutumance, et parce que malheureusement on n'est pas dans le soin, on ne le soignera jamais, on n'est que dans un confort, donc ça ne peut que revenir malheureusement. Mais on s'aperçoit au bout de 4 ans avec les retours de nos clients. Oui, j'allais vous demander les retours. Oui. Ils sont extraordinaires. Oui. Moi-même, pharmacien très cartésienne, très allopathie à l'origine, il faut bien se rendre à l'évidence que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et énormément. Sur les trois problèmes que vous avez cités. Sur les trois problèmes, l'acné chez les jeunes, alors un acné qui est pris dès le départ. Maintenant, un acné très installé, on part avec ce savon au safran, ça marche du tonnerre. Ah, c'est bon, ça marche. Pour les ados, ou éventuellement certains adultes. Les ados, certains adultes, les personnes avec un eczéma, même chez les bébés, ça fonctionne, parce que c'est un produit naturel. On n'y introduit pas de produit néfaste pour la peau du bébé. Hein. On parlait tout à l'heure de la soude, c'est une obligation, mais la réactivité de la soude avec l'huile, la soude, elle disparaît. C'est une réaction chimique qui va créer la pâte à savon et la glycérine. Et la glycérine a ce côté au départ hydratant. Ce qui différencie des savons de Marseille, on parlait tout à l'heure hors antenne des savons de Marseille. Le savon de Marseille, c'est un très bon savon, mais un savon, on va dire, plus fait pour le sol, le oui, linge. Que la peau. Que ouais, la peau. C'est pas si bon que ça. C'est ouais, pas je, fait pour je ça. Je l'ai lu récemment. Ouais. C'est pas fait pour on va ça. Faire une petite pause et après, vous nous direz ce que vous allez faire avec l'école des loisirs. Allez, pas de à problème. Tout à, l'heure. À tout à l'heure. Là. FM 89.9, je crois que Claudie, on a fait déjà, on a vu le lait d'ânesse, on a vu le safran, et je crois que le mieux, c'est de parler de ces animaux qui vous fournissent ce lait, et puis les autres animaux qu'il y a autour, parce que je crois que vous faites visiter cette ferme. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis peu, la ferme. Alors, la ferme, bien entendu, point de départ, les animaux, 14 ânes, bientôt 16. Donc, l'âne, on adore le papouiller, l'âne, il est tout gentil. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur l'âne que je peux pas vous en parler je en 5 minutes. Je crois qu'il faut aller vous voir, il faut peut-être aller vous voir, et votre fils nous en parlera. Voilà, je crois qu'il faut venir nous voir, et puis Guillaume, qui a 11 ans, qui fait partie de l'équipe de Lousteau Safran, vous parle de tout, et presque mieux avec des mots d'enfant que nous, adultes. Alors après, en dehors des ânes, nous avons les petites chèvres naines, qui elles-mêmes ont mis des petits chevreaux et chevrettes au monde, il y a maintenant 3 semaines, donc c'est super mignon, c'est gentil, ça vient vers vous, ça vous saute dessus, enfin c'est adorable. Ensuite, nous avons les alpagas. Donc oui, les alpagas. Vous nous aviez dit que vous alliez récolter la laine. Voilà, donc vous l'avez pas encore fait. On n'a pas encore fait, on va le faire au mois de mai. Donc on tond les alpagas et cette laine va être traitée par une filature de manière à obtenir des pelotes de laine pour ceux qui aiment tricoter la laine et la laine d'alpaga qui est excessivement réputée pour son côté, parce que c'est une fibre creuse en fait. Donc elle a une particularité de grosse chaleur, elle permet d'apporter de la chaleur, elle est isolante. Très isolante. Elle est douce, est-ce qu'elle est et douce? Elle est excessivement douce, très très douce. Donc ça, c'est une autre petite activité qui va démarrer. Et puis bah, l'alpaga, c'est un animal qui est tout mignon, tout doux à venir voir. C'est adorable. Il n'est pas cracheur. Contrairement au lama, non. Ah, c'est son grand intérêt aussi pour les visiteurs. Et je crois aussi que vous allez adhérer à Ferme en Ferme. Alors c'est quoi Ferme en Ferme? Alors Ferme en Ferme, c'est fin avril, c'est le week-end, je crois, du 29 et 30 avril. Et donc, nous faisons partie de cette association. Donc, c'est toutes les fermes qui adhèrent à cette association qui ouvrent leurs portes ce week-end-là pour accueillir qui veut venir voir. Nous, les animaux, nous, les démonstrations de savon. Parce qu'on fait des démonstrations au quotidien. Vous montrez comment vous faites. On ne cache rien, on n'a rien à cacher tous les jours. Donc il suffit de nous passer un petit coup de fil quand on veut venir voir une démonstration de savon, de manière à convenir d'un petit rendez-vous. C'est souvent en fin d'après-midi, comme ça nous permet de nous occuper de tous les animaux. Et puis, vous venez, on discute, et comme on est des grands bavards, ça s'éternise. Je crois. Et je crois aussi que si vous voulez visiter la ferme, c'est ce que vous disiez en antenne, c'est pareil, vous recevez, il n'y a pas forcément des horaires. Voilà, on ne sait pas faire des horaires puisqu'on est on est à la maison d'une manière générale. Donc on dit aux gens, venez nous voir, venez visiter la ferme. Il n'y a pas un droit d'entrée pour la ferme. C'est vrai qu'on demande, on ne demande rien. On dit simplement aux gens, s'ils nous posent la question, vous voyez que la ferme parce que le savon ne vous intéresse pas. Et à ce moment-là, aidez-nous avec une petite participation, un geste, ce que vous voulez pour l'entreprise. Parce que là aussi, ça a un coût qu'elle mange. Oui. Ouais, bien sûr. Et je crois que vous allez avoir un stagiaire. Alors, au mois de mai, nous allons avoir un stagiaire de la Denove qui est en bac professionnel et qui a une spécialité en cosmétologie. Et il vient sur la ferme durant une quinzaine de jours. Et donc, il verra toutes les étapes. Alors, pas que le labo. Il partira de l'entretien des animaux, du relationnel avec les animaux, parce qu'on en parlait là aussi tout à l'heure hors antenne. Une ânesse qui ne veut pas vous donner du lait parce que vous n'avez pas été sympa avec elle ou parce que vous êtes super énervé. Je crois qu'ils ont la mémoire loque. Ouais. Exactement. Et elle ne vous le donne pas. Donc, il faut savoir y faire. Il faut savoir y faire. Diplomate. Il faut être en contact avec elle. Donc, il aura tous les passages de notre activité au quotidien. Et voilà. Combien êtes-vous sur la ferme? Pas nombreux, je pense. Alors, sur la ferme, nous sommes deux adultes, Pascal et moi-même, Guillaume qui fait partie de l'équipe, et mes parents qui sont là pour, quand on a besoin, on claque des doigts et hop, ils prennent leur petite voiture et ils descendent. Alors, merci aux parents. Merci à papa et maman. Ouais, ça, c'est les parents, oui. Enfin, 100%. Voilà. Donc, on va faire une petite pause et après, on se quittera, on récapitulera rapidement tout et allez, voilà. Allez, pas de problème, à tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hits sans pub. Sans pub. Allez, viens. On sera mieux dehors qu'avec ces gens. Allez, viens. T'oublieras cette nuit avec le temps. Allez, viens. C'est le même chemin que l'on prend, être bien. Je t'en prie, relève-toi et avance jusqu'à entendre notre heure qui sonne. C'est enfin notre jour, un peu plus fort. Que je devienne sourd, le bruit m'endort. Je me sens lourd, un peu plus fort. Même si j'échoue, j'essaie encore. Je deviens fou. Allez, viens. On est mieux dès lors qu'on fait semblant. Allez, viens. Je te regarderai crever l'écran. Allez, viens. C'est la même chaleur que voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec Laure de la ferme Lousta au Safran, qui, je crois qu'elle a oublié de ses animaux. Alors oui, on a oublié de parler quand même de, on va dire, d'un peu la mascotte, Moïse. Alors Moïse, c'est notre bélier, il a un an. Alors Moïse, parce que il a été retrouvé à un an en train de se noyer dans un marécage, on l'a élevé au biberon, et au bout de 3-4 jours, il n'a pas trouvé mieux d'aller se prendre un petit bain dans la piscine. Donc Moïse, le bélier, et c'est un amour de bélier qui est un petit chien, tout simplement, voilà. Enfin un gros chien. Et en plus, m'avait dit qu'il était né... Le 14 avril. Donc c'est un bélier. Donc en qui plus est bélier. C'est un bélier. Donc je crois que tu vas nous parler du signe du bélier. Et oui, parce que nous sommes rentrés dans le signe bélier depuis le 21 mars et jusqu'au 20 avril. Voilà, c'est le Alors, printemps. Si vous avez des béliers autour de vous ou si vous êtes bélier, je vais donner des petits traits de caractère. Bien sûr, ça joue aussi au niveau de l'ascendant et des planètes et comment sont positionnées vos planètes à la naissance dans les 12 maisons de l'astrologie. Alors, bing bang, voilà le bélier, il arrive, évidemment, il fonce ce bélier, parce qu'il donne l'élan du printemps. Alors, il a un côté, il fonce, il se casse la gueule, oui, il se casse pas la gueule, il prend les autres de vitesse, parce que monsieur, il n'est pas informé. Alors, des fois, on va lui pardonner, il a des petits traits de caractère, ça peut être une dame et un monsieur, évidemment, il est rapide, il est enthousiaste, il est franc, il est énergique, il est courageux, et il est très concerné par le présent. Mais aussi, malheureusement... Bon, il ne peut pas avoir que des qualités, c'est pas possible. Oui, parce qu'il fonce, ouais. Mais il ne réfléchit pas. Alors, ouais. Il est naïf, il est impulsif, il est gaffeur, il est emporté, il est impatient, il est imprudent, ce monsieur. Ah. Alors, cette dame. Et en plus, quoi qu'il fasse, il a tendance à le faire un peu trop vite, puisqu'il ne réfléchit pas. Moi, j'ai ma petite fille, elle est comme ça. Alors, je dirais, Claudie, attention à l'ascendant aussi. Voilà, derrière. Bien sûr. Il a aussi une planète qui le gouverne, qui est Mars. Mars étant le dieu de la guerre, hein. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il a tendance à s'emporter un peu vite. Et je crois que ta petite fille, c'est un peu tendance à être... Oui, avec sa maman, oui. Avec moi, non. Et puis aussi, comme il est un peu naïf, si vous avez tendance à... Il croit trop, ce que vous dites. Oui. Mais après, il réfléchit quand même. Hein. Et puis, si vous avez besoin d'une main innocente pour faire un tirage au sort, faites appel à un bélier. Il a tendance aussi, à pas être trop rancunier. Ah, mais c'est vrai. Voilà. Donc le mois prochain, je vous parlerai du taureau, parce qu'on passera au taureau, qui lui est plus assis sur ses quatre pattes, et on va faire une petite pause. Voilà, et après on passera au livre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est juste une petite chanson. Petite chanson d'amour pour tous ceux qui sont pour, qui y croient jusqu'au bout, qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson, une chanson pour un soir, une chanson pleine d'espoir pour tout repeindre en clair, allumer les lumières. C'est juste une petite chanson qui viendra belle et grande. Si on chante tous ensemble, si on unit nos voix, si tu chantes avec moi. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la la la. C'est juste une petite chanson. La la la la la la. Une petite chanson d'amour. La la la la la la. Ceux qui sont pour la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est juste une petite chanson qu'on chante à l'unisson. Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon. C'est juste une petite chanson du cœur de la raison. On rêvait de la lune, c'est possible. Allumation. C'est juste une petite chanson, un truc sans prétention. Un petit bout de mélodie, une caresse, un rire, un frisson. C'est juste une petite chanson. Toute simple comme un bon choix. Une petite chanson. Une chanson d'amour. C'est juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui croient jusqu'au bout. Qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson. Qui viendra belle et grande. Qui viendra belle et grande. Si on chante tous ensemble. Si on chante tous ensemble. Si on unit nos voix. Si tu chantes avec moi. La la la la la la la la la la. Rebonjour Fly FM, nous avons parlé du bélier, nous avons parlé de la ferme, je crois que c'est Alain. Alain, tu vas nous présenter un livre. Alors, je veux parler d'un livre typiquement féminin, qui paraît-il est le, vraiment au top en ce moment, c'est L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, aux éditions Gallimard. Alors, c'est toute une saga sur l'amitié de deux jeunes filles au fil du temps, avec leurs disputes, leurs réconciliations, les séparations volontaires ou non, et les retrouvailles. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout, et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Alors on en est en ce moment au troisième tome. Le premier tome 1, c'est Enfance et adolescence. C'est paru en 2014. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Lila abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Tome 2, Le nouveau nom, paru en 2015. Naples, années 60, Lila est devenue riche en épousant l'épicier, mais elle découvre avec horreur que celui-ci est lié à la Camorra. Elle travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que son mari Stefano inaugure un magasin de chaussures en partenariat avec la famille Solara, la famille mafieuse locale. De son côté, Elena poursuit ses études au lycée et est éperdument amoureuse de Nino, qu'elle connaît depuis l'enfance. Quand l'été arrive, les deux amis partent pour Ischia avec la belle-mère, la belle-sœur de Lila, car l'air de la mère doit l'aider à prendre des forces afin de donner un fils à Stefano. La famille de Nino est également en vacances à Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino. Tome 3, Celle qui fuit et celle qui reste, donc qui est parue au début de l'année 2017. Nous sommes à la fin des années 60, les événements de mai 68 s'annoncent, les mouvements féministes et protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'école normale de Pise, est au premier rang des défilés. Même si les choix de Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite d'amour et de haine, telles deux sœurs qui se ressembleraient trop. Et une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette tumultueuse traversée des années 70. Alors, il va y avoir un tome 4 qui paraîtra sûrement en 2018, parce qu'il est déjà paru en Italie, pour l'instant, qui s'appelle « L'enfant perdu ». Un livre que tu conseillerais à lire pour toutes les femmes? Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas envie de le lire. Mais c'est le top en ce moment, paraît-il, en Italie, ça s'arrache. En France, ça commence à s'arracher aussi. C'est vraiment... C'est très féminin. La saga. Alors, si on en est au tome 3 en 1970, je veux dire, on n'a pas fini, il va y en avoir encore un paquet qui vont venir derrière. Hein. Oui, pour arriver jusqu'à nos jours, voilà. ça va être... est-ce qu'on a le temps de parler d'un film ? Gilles, oui, vas-y. Eh bien, moi aussi, je vais parler des femmes, puisque je parle d'un film qui sort avec deux actrices françaises, qui est Catherine Deneuve et une autre Catherine Frotte, qui s'appelle Sage Femme. Sage Femme, c'est tourné par un cinéaste qui s'appelle Martin Provost, et avec une Catherine Deneuve qu'on connaît, qui a eu le César de la meilleure actrice en 2016. Alors, Catherine Deneuve, elle joue le rôle de Béatrice et Catherine Frotte, c'est Claire. Alors, Claire est... Elle exerce avec passion le métier de sage-femme. Elle est en plus sage-femme, elle est sage. Elle est conditionnée à vivre sa vie en retrait, loin de la lumière, pour offrir la sécurité à son fils étudiant et à donner naissance aux petits êtres qui est dans une maternité vouée à fermer, comme ce qui arrive un peu en France pour des raisons de coût. Et arrive Béatrice. Béatrice est une femme fantasque, égoïste, qui boit, qui fume, qui joue aux cartes. C'est pas un rôle de composition pour Deneuve. Hein. Non, mais c'est vrai que dans la vie, elle fume en vrai, mais là, bon, elle boit pas, je pense pas. Si. Ah, allez, fallait pas le dire. On va tout savoir. Et donc, ben voilà que Béatrice, elle le réplique et elle l'appelle et l'autre, elle dit, qu'est-ce qu'elle vient faire là? En plus, ça avait été l'amoureuse de son père 40 ans plus tôt, et son père, je crois qu'il s'était suicidé par rapport à cette séparation. Donc, où j'en étais? Ça y est, j'ai perdu le fil. Et elles vont se rencontrer, et elles vont s'échanger, des messages, elles vont apprendre à se connaître, et elles vont exhumer les fantômes du passé, parce que Claire, effectivement, lui en veut par rapport à son père. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois qu'il y en a une qui est introvertie et l'autre très extravertie. En plus, ça fait un choc. Béatrice arrive avec une tumeur au cerveau. Ah, voilà, c'est pour ça qu'elle elle s'est rapprochée. Oui, aussi. Et je pense qu'elle va lui faire un travail sur l'autre, sur Claire. Elle va un peu la dégrossir. Oui, la décoincer. En sachant que bon, c'est un film bouleversant, le jeu de miroir, entre deux actrices au sommet. Et on en sort avec une furieuse envie d'aimer. Il faut savoir aussi que je crois que les scènes de poker que joue Catherine Deneuve, elle a vraiment appris à jouer dans des salles clandestines. Et puis voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Moi, je crois qu'on en a parlé beaucoup cette semaine. Hein. Je les ai vus à deux endroits différents. Hein. Bon, ouais. Sur TF1, ouais, je crois. Le réalisateur, qui est Martin Provost, avait été auréolé de 7 Césars pour le film Séraphine. Ah oui, qui était une peintre. Oui. Ouais. Voilà. Un peintre peu connu. Ouais, donc, un film français, allez voir. Pour voilà, il est sorti aujourd'hui. Oui. D'accord. On se fait une petite pause et après on continue. Fly FM. Fly FM, le meilleur des hits des années 80 à aujourd'hui. Des années 2000. Bienvenue sur Play FM 89.9 et moi je voudrais vous parler de Martine Bataille et de Jeanne Harrington, ces deux conteuses de talent, conteuses franglaises qui vous proposent des paroles à boire. Bon, avec modération bien sûr, hein, et vous invitent à savourer des contes d'ici et d'ailleurs, préparés avec humour, entrée philosophique, douceur d'histoire et papillote poétique. Tout public, c'est à partir de 6 ans. Donc, et après, il y a le verre de l'amitié et douceur offerte par la mairie et l'association Romarine. Et cela se passe à Saint-Saturnin-les-Avignon, à la maison Lippi. Et c'est à 20h30. Non, c'est de 20h à 22h, pardon. Voilà, et si vous voulez plus de renseignements, bon, je vais quand même vous donner le numéro. C'est 04 90 22 13 80. Martine est une conteuse de talent qu'on connaît, qui, avec qui on a travaillé. Et franchement, ça vaut la peine d'aller la voir. Claudie, tu t'en rappelles, la dame que nous avons reçue pour justement en parler du petit refuge? Oui. Qui prenait en pension, je crois, des animaux qui allait essayer de placer. Hein, c'est bien ça. Eh bien, tu sais, il faut qu'on pense à elle. Justement, on y était. Le 2 avril, ils font la journée du chien. D'accord. Organisée par ce petit refuge à la salle des fêtes à Sarian. Donc, allez-y nombreux. Ce serait bien, ça apporte une aide pour les animaux et pour cette association. Oui, bien sûr, parce que bon, elles ne sont pas nombreuses, elle le fait chez elle, avec sa maman, enfin c'est assez... L'amour des animaux, voilà, quoi. C'est pas à la SPA, voilà. Mais c'est vrai qu'elle place les animaux, elle s'en occupe et c'est très bien. Et moi je voulais vous rappeler que le 24 mars à la salle du Château d'Eau à Monteux, il y a la fameuse soirée pour souffle de bulles. Oui, on les a reçus mercredi dernier. Voilà, avec Anthony Joubert, il y a des transformistes. Et c'est donc à la salle des fêtes à Monteux, je crois que c'est à 20h, 20h30. Bon, si vous voulez faire une bonne action et vous passez un bon moment, vous y allez. Tu as d'autres trucs? Oui, bien sûr, j'ai une sortie comique à Orange. Ça s'appelle « Ah, ça rira, ça rira, ça rira ». Ah, on va rigoler alors. C'est avec Michel Guidoni, Florence Brunold et Jacques Maillot. Jacques Maillot, il est connu. Voilà, ça se passe au Palais des Princes. Oui, je connais moins les autres. Ouais. Mais Jacques Maillot, on le connaît. C'est rue des Princes d'Orange, c'est organisé par la mairie. Alors, c'est 3 francs tireurs dont la seule devise est de nous faire rire, avec des sujets et des personnages qui souvent on nous fâche ou nous consterne. Bon, je crois qu'en ce moment, ils ont du grain à moudre. Hein. C'est tout l'art d'une tradition française en pleine renaissance, celle des chansonniers. de plus en plus souvent copiés, mais rarement égalés. Voilà, c'est à 20h30 au Palais des Princes à Orange, le samedi 25 mars. Et on fait une petite pause. C'est où le Palais des Princes? Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. FM 89.9 avec l'émission. J'arriverai à le dire. Bric-à-brac à idée. Et moi, je voulais vous dire que les 24, 25 et 26 mars à Aubignan, à la salle polyvalente avenue Jean-Henri Fabre, et l'association Fête Art, avec le soutien de la municipalité, organise le salon Hobbies Art, dédié à toute forme d'art débutant, amateur ou confirmé. Cette année, l'invité d'honneur est Christian Rocher, qui est un photographe qui s'est fait connaître grâce à des clichés sublimés de personnes touchées d'handicap, visibles ou non. C'est bien, hein, c'est original. Il travaille désormais sur de nouveaux sujets que le public découvrira à l'occasion de ce salon. Parmi les œuvres des autres exposants, il y aura les siennes. C'est le vernissage, c'est le 24 mars, donc vendredi à 19h. L'exposition, l'entrée est libre. Et l'exposition se tient les 25-26 mars de 10h à 17h30, c'est à Aubignan. Je crois qu'Aubignan, ils font pas mal de trucs en ce moment. Hein. Oui, il y a des pièces de théâtre, hein, parce que nous, on était allés voir les Bazarettes. Bien sûr. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous proposer? Ben écoutez, si vous voulez écouter de la musique, vous avez le concert symphonique au Théâtre d'Avignon, ce vendredi 7 avril à 20h30, qui dure 1h30, qui est les tarifs, ça va de 30, 26, 16, 8 euros. Alors après ça, il faut voir. C'est la semaine prochaine. Voilà, c'est direction Michel Tabachnik. Au programme, alors. Excusez-moi si je fais des erreurs. C'est pas grave. Vous avez du Take Mitsu, c'est du Treeline. Vous avez du Tabachnik. Alors Alain, tout à l'heure, tu m'as dit, vite fait, je sais pas ce que c'est, le Tabachnik. C'est un chef d'orchestre. Voilà. Mais... Vous avez du Ravel, Stigane. Et vous avez du Schumann, symphonie numéro 4. en ré mineur, opus 120. Bon, ça, c'est pour ceux qui s'y entendent. Donc, si vous voulez écouter de la musique, voilà, vous avez l'Orchestre Symphonique d'Avignon, Provence. Voilà, mais le 7 avril. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est le Festival Flamenco. Hein, ah oui, alors là, vous avez quatre... Il n'y a pas qu'à Avignon. Hein. Il y a Avignon, mais enfin... Il y a quatre villes, je crois. Voilà, Espace Culturel Follard, il y a le Théâtre du Balcon, au Halle, à l'ex-caserne des pompiers. Alors, il y a du cinéma, il y a de la cuisine andalouse, il y a des expositions, il y a des conférences sur Aveyronnais. Bon, si vous voulez vous renseigner, vous allez sur Facebook ou sur... le site de la ville d'Avignon, et vous trouverez, c'est quand même le 16e festival. Et vous avez aussi samedi prochain au Théâtre du Sablier. Oui, il y a aussi pas mal de choses. Voilà, il va y avoir Flamenco por un poeta. Oui, mais il y avait aussi de mémoire, il y en a au Thor, il y en a au Orange, il y en a partout. Et on engage de la musique. Ouais. Claudie, la semaine prochaine, c'est la surprise. Je sais, je me souviens plus qui c'est, mais on va avoir quelqu'un. Vous inquiétez ça pas. Sera la je pense que ce sera quelqu'un de qualité, mais je ne me rappelle pas. L'essentiel, c'est que ça varie, c'est très bien. On remercie notre invité. Voilà, on remercie Laure. Et ben merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir invités. Et puis ben venez nombreux nous voir. On vous attend avec grand plaisir, parce que je n'ai pas tout dit. Hein. Oui. J'ai je crois qu'il faut. Voilà, il faut aller la voir parce que elle vous expliquera beaucoup de choses avec son fils Guillaume. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci. Thank you.